Chapitre 36e. Révélation. Tandis que Sir William s'insinuait dans l'esprit la confiance de la vieille baronne de Kermadec et de Madame de Beaupréau, le comte Armand de Kergaz mettait tout en œuvre pour retrouver Jeanne et Cerise, aidé en cela par Léon Roland et Bastien. Mais depuis 3 jours que duraient les recherches, et que cette police secrète dont disposait le comte fouillait Paris en tous sens, on n'avait obtenu encore aucun résultat. Le matin du 4e jour, Armand, qui avait passé la nuit à courir lui-même aux environs de la rue Mellet, se trouvait assis dans son cabinet de travail, la tête dans ses mains, de la douloureuse attitude d'un homme qui croit jamais perdu pour lui la femme aimée. Une larme roulait lentement sur sa joue. « Mon Dieu, murmura-t-il, c'est à devenir fou, je l'aimais tant. » Léon Roland entra. Le malheur de l'ouvrier, qui avait perdu Cerise, était exactement le malheur d'Armand. On leur avait pris leur fiancée à tous deux, et cette communauté d'infortune les avait réunis. Léon était d'ailleurs un homme intelligent, actif, courageux, et le comte, devinant tout cela, n'avait point hésité à en faire son auxiliaire et son ami. Léon était non moins triste, non moins abattu que M. de Kergaz, car Cerise était aussi introuvable que Jeanne. L'ouvrier tenait à la main une lettre qu'il tendit à Armand. « Tenez, monsieur le comte, je crois décidément que le malheur est tombé sur tous ceux que je connaissais. » « Qu'est-ce ? » demanda M. Kergaz avec vivacité. « Que vas-tu m'apprendre encore ?»« J'avais un ami, » dit Léon. « Quand j'ai dit un ami, je vais loin peut-être, car c'était un homme comme il faut. Mais enfin, je l'aimais comme un frère, et lui, il m'aimait un peu. »« Eh bien, que lui est-il arrivé ? Lisez, monsieur le comte. » Armand déplia la lettre et lut. « Mon cher Léon, vous êtes la seule personne à qui je puisse m'adresser désormais et demander aide et consolation. La dernière fois que je vous ai serré la main, c'était il y a 8 jours. Vous avez vu un homme heureux et prêt à devenir l'époux de la femme qu'il aimait. Cet homme portait alors la tête haute. Il était fier, il était honnête, et tout le monde l'estimait tel. Aujourd'hui, mon cher Léon, l'homme qui vous a écrit a été congédié, chassé par sa fiancée. Il est accusé de vol, il est en prison, en attendant qu'il aille au bagne. Venez me voir, une seule, une dernière fois, car je crois que je mourrai de douleur avant mon jugement. À vous, Fernand Rocher. Qu'est-ce que Fernand Rocher ? Demanda Armand. C'était un employé au ministère. Il était votre ami, à peu près. Il connaissait aussi Cerise. Est-il en prison ? Depuis 3 ou 4 jours. Mais quel crime a-t-il commis ? Oh, pour cela, monsieur le comte, s'écria Roland. Je suis bien sûr qu'il n'en a commis aucun. C'est un honnête homme, allez, je répondrai de lui sur ma tête. Où demeura-t-il ? Rue des Fossés du Temple. De ses croisées, on voyait la fenêtre de Cerise. Connaissait-il Jeanne ? Il avait dû la voir souvent avec Cerise. Le comte de Kergaz garda un moment en sombre silence. « Tout cela est bien extraordinaire, bien étrange, » murmura-t-il. « Voilà 4 personnes qui disparaissent presque en même temps, et ces 4 personnes se connaissaient entre elles et nous touchaient nous-mêmes de près ou de loin. »« C'est vrai, » dit Léon, dont l'attention fut attirée par ce raisonnement. « Il est évident, » murmura Armand, « que la même personne doit avoir contribué à tous ces événements. Mais pourquoi ? Dans quel but ? Et quelle est-elle ? Où est Fernand Rocher ? » acheva-t-il. « À la conciergerie, je crois. »« Il faut le voir, » dit Armand. Et il demanda ses chevaux, monta en voiture avec Léon Roland et se fit conduire à la préfecture de police. La haute situation du comte, sa réputation de bienfaisance et sa grande fortune, étaient des titres plus que suffisants pour lui faire avoir accès partout et lui ouvrir toutes les portes. Armand obtint donc sans peine l'autorisation de pénétrer dans la prison de Fernand, lequel, du reste, n'était plus au secret, car l'instruction de son affaire était terminée. Le malheureux jeune homme avait passé par toutes les phases de la prostration, du désespoir et de la folie. Le comte et son compagnon le trouvèrent assis sur son lit, la tête appuyée dans ses mains, le regard fiévreux, l'œil fixe et dans un état voisin de l'idiotisme. Léon fut obligé de le secouer et de prononcer son propre nom pour l'arracher à sa sombre rêverie. « Monsieur, lui dit Armand, vous ne me connaissez point, il est vrai. Cependant, je vous porte un intérêt très grand et dont je ne puis encore vous révéler la cause. Mais il est impossible que vous ne soyez point innocent du crime dont on vous accuse. Et dans ce cas, toutes mes relations, tous mes efforts seront employés à faire reconnaître votre innocence. Mais il faut que vous me disiez de quoi et comment on vous accuse et comment encore vous êtes ici. Monsieur, répondit Fernand, on m'accuse d'avoir volé 30 000 francs. En quel lieu ? Au ministère, dans une caisse dont les clés m'ont été confiées 1 heure. Fernand raconte alors à Armand les circonstances qui avaient précédé sa sortie du ministère, cette lettre fatale d'Hermine que Colère lui avait apportée, puis son évanouissement dans la rue, son réveil chez Baccarat qu'il ne connaissait point, et enfin son arrestation. Monsieur de Clergaz écoutait attentivement le récit du prisonnier. Quand il eut fini, il regarda Léon. « Tout cela est plus étrange, plus terriblement embrouillé qu'un mélodrame de boulevard. Mais il est évident pour moi maintenant que tous ces malheurs réunis, l'accusation de vol qui pèse sur ce jeune homme, la disparition de Jeanne et de Cerise, sont l'œuvre de la même main. Il faudrait voir Baccarat. » « Hélas, dit Léon Roland, où la trouver ? Elle aussi a disparu. Mais, murmura Fernand, ce qu'il y a de plus incompréhensible, c'est ce portefeuille auquel je n'ai jamais touché et qu'on retrouve dans ma poche le lendemain. Monsieur, continua M. de Kergaz, je vous jure qu'avec le temps nous arriverons à la vérité, car j'ai besoin autant que vous de démasquer cette odieuse et terrible intrigue, de sonder cet abominable mystère. Seulement, il faut que je vous questionne et que vous m'appreniez bien des choses. Mademoiselle de Beaupréau, votre fiancée, est-elle belle ? Je ne sais pas, murmura naïvement le prisonnier, mais je l'aime. Est-elle riche ? Non, et même lorsque de Beaupréau a consenti à m'accorder sa main, c'était à la condition qu'elle se marierait sans dot, bien que la fortune vienne de sa mère et que M. de Beaupréau ne fût point le père d'Hermine. Comment ? Dit M. de Kergaz, brusquement assailli par un souvenir. Madame de Beaupréau a donc épousé son mari en seconde noce ? Je ne sais trop, balbutia Fernand en rougissant. Je crois qu'elle avait commis une faute. Armand se souvenait de la note qui lui avait été transmise sur la jeune femme du nom de Thérèse, qui vivait autrefois à Marlotte avec sa tante et une petite fille, laquelle femme se nommait Thérèse, et avait, disait-on, à Marlotte, épousé en retournant à Paris un employé de ministère. « Mon Dieu » pensa-t-il, « si c'était elle. » Il reprit tout haut, interrogeant toujours Fernand. « Savez-vous le prénom de Madame de Beaupréau ?»« Je crois qu'elle se nomme Thérèse. » À ce nom, Armand jeta un cri. « Thérèse ! Elle se nomme Thérèse !» « Oui, monsieur, la connaîtriez-vous ? » Mais Armand ne répondit pas. Tout cela, pensait-il, est étrange et semble se rapporter tout à fait aux renseignements qui m'ont été transmis. Mademoiselle Hermine de Beaupréau sera-t-elle donc la fille du baron Kermor de Kermarouet ? Il faut que je voie Madame de Beaupréau. Peut-être aurons-nous ainsi la clé de tous ces mystères. Et M. de Kergaz ne voulut point parler à Fernand de cet immense héritage qui peut-être appartenait à Hermine. Il se contenta de lui promettre qu'il reviendrait le voir le lendemain, et il partit, laissant quelques mots d'espoir au prisonnier. Armand rentra chez lui avec Léon Roland, et si muni de ce médaillon que le baron Kermor de Kermarouet lui avait donné à son lit de mort comme un signe de reconnaissance. Cependant, avant de courir rue Saint-Louis, où lui avait dit Fernand demeurait M. de Beaupréau, Armand se prit à réfléchir. Dans ce dédale de mystère, pensa-t-il, le moindre faux pas, la moindre démarche hasardée pourrait nous perdre. Depuis 3 jours, ma police est en défaut et n'arrive à aucun résultat. Donc, nous avons affaire à forte partie et il faut jouer aussi serré qu'elle. Et le comte de Kergaz, qui s'apprêtait à ressortir et voulait aller droit à Madame de Beaupréau, son médaillon à la main, obéissant à une seconde inspiration, replaça ce médaillon dans un tiroir. « Non, dit-il, ces démarches seraient dangereuses. » Alors cet homme, qui avait pour le bien cette intelligence que Sir William s'appliquait au mal, exposa à Léon Roland la situation où il se trouvait avec une lucidité qui tenait de la divination. « Il est évident, dit-il, que si Fernand Rocher est innocent du crime dont on l'accuse, et c'est ma conviction, cette accusation ne peut être le résultat fortuit des circonstances. Il est évidemment la victime d'une odieuse machination, d'une intrigue infernale dans les replis de laquelle il a été habilement enveloppé. Or, si les faits sont tels qu'ils les exposent, un seul homme aurait volé ce portefeuille et cet homme serait M. de Beaupréau. Mais quel intérêt aurait-il eu à cela ? Fernand allait devenir son gendre, il épousait sa fille sans réclamer la dot, jusque-là, il s'était montré son protecteur. D'où proviendrait ce revirement subit ? C'est à n'y rien comprendre, murmura Léon Roland. Ou bien alors, poursuivit Armand, cette accusation, ce portefeuille retrouvé chez Baccarat, sont l'œuvre d'un rival, d'un homme qui aimait et qui voulait épouser Hermine. Mais en ce cas, il y avait 1000 autres moyens de le perdre aux yeux de la jeune fille. Et puis, par quel conflit de circonstances ce jeune homme qui s'évanouit dans la rue se retrouve-t-il chez Baccarat, qui est précisément la sœur de Cerise ? Or, Cerise disparaît presque en même temps. Baccarat et Jeanne disparaissent. Évidemment, si tout cela est l'œuvre d'un seul homme, cet homme doit avoir plus qu'un intérêt amoureux à se conduire ainsi. « C'est incontestable, dit l'ouvrier. Or, reprit Armand, l'intérêt est peut-être immense. » Si Madame de Beaupréau est la femme que je cherche, sa fille est riche, sans le savoir, de 12 millions. Ces 12 millions, qui sont entre mes mains, une seule personne en sait la destination et la source, c'est moi. Le baron Kermore de Kermarway m'a confié son testament. Un testament holographe dont nul, si ce n'est moi, n'a eu connaissance. Est-il vraisemblable que celui ou ceux qui ont voulu perdre Fernand et l'empêcher d'épouser Hermine sachent tout cela? Comment l'aurait-il appris? Comment saurait-il que précisément cette femme que je cherche est mademoiselle de Beaupréau? Mystère, fit Roland. Mais, poursuivit Armand de Kergaz, admettons tout cela. Admettons que mademoiselle de Beaupréau est la fille du baron Kermore, que l'ennemi occulte de Fernand le sait et convoite les 12 millions, comment expliquerons-nous ce triple enlèvement de Cerise, de Jeanne et de Baccarat ?« Oh, murmura Léon, c'est Baccarat qui doit avoir fait le coup. Dans quel but? Elle aimait Fernand. Si elle l'aimait, elle ne pouvait vouloir le perdre. C'est juste, soupira l'ouvrier. Il y a donc, continua M. de Kergaz, un fil de cette intrigue qui est insaisissable pour nous. Il est certain que Baccarat n'a été qu'un instrument. Le bras qui exécute, mais non la tête qui pense. Où est cette tête? Baccarat seul nous pourrait le dire, et il faut la retrouver à tout prix. Monsieur le comte, dit Léon, qui avait suivi avec une scrupuleuse attention le raisonnement de monsieur de Kergaz, et en saisissait parfaitement toutes les faces, il me vient une idée. Voyons, je t'écoute, dit Armand. Si vous admettez que mademoiselle de Beaupréau n'est autre que l'héritière des 12 millions, que celui ou ceux qui ont perdu M. Fernand n'ignorent point cette circonstance, et que même elle a été le mobile de leur conduite, il faut bien admettre aussi qu'ils savent parfaitement entre les mains de qui se trouvent les 12 millions. Ceci est très juste, dit Armand. Or, s'ils le savent, peut-être ont-ils un intérêt direct à ce que mademoiselle de Beaupréau l'ignore, provisoirement du moins. Ceci est probable, en effet. Ainsi, mademoiselle de Beaupréau, riche de 600 000 livres de rente, peut très bien ne vouloir qu'un époux de son choix. Et si elle apprend sa nouvelle situation? Tout cela est vrai, logique, raisonnable, dit Armand. Mais pourquoi Cerise Jeanne aurait-elle disparu? Ah, dame, répondit l'ouvrier, c'est bien facile à comprendre. Cerise Jeanne connaissent Fernand comme Fernand connaît Monsieur de Beaupréau. C'est une chaîne dont il faut briser les anneaux. Armand tressaillit, et, acheva Léon Roland, vous connaissiez Jeanne et Cerise? Monsieur de Kergaz jeta un cri, il avait deviné enfin. Oui, dit-il, là est la vérité. Mais la vérité est plus sombre encore que le doute, car elle ne nous apprend rien et nous laisse plonger dans les ténèbres. Cerise, qu'ont-ils fait de Cerise? Murmura Léon Roland avec un soupir. Jeanne, pensait Armand dont le cœur était brisé, ma Jeanne adorée. Et un nom vint aux lèvres de M. de Kergaz, un nom exécré et fatal, Andrea. Il sonna violemment. Appelez Bastien, dit-il. Le vieux Bastien parut. Écoute, dit Armand. Es-tu plus que jamais convaincu que Sir William et Andrea sont deux êtres différents? Oh, pour cela oui, dit Bastien. Moi, je jurerais le contraire. Écoutez, monsieur le comte, dit le vieux soldat. La meilleure preuve que je puisse vous en donner, c'est qu'Andrea m'eût tué comme un chien, sans sourciller, comme son père tua votre père. Armand haussa les épaules. Ce n'est pas une preuve, dit-il. Andrea aurait intérêt à n'être point reconnu. Raison de plus pour me tuer. N'importe. Dit le comte, il faut le revoir encore, l'examiner attentivement. Je l'ai dévisagé, monsieur le comte, ma conviction est inébranlable. J'ai le pressentiment du contraire, moi. Il n'y a qu'Andrea qui soit capable d'avoir ourdi cette vaste et ténébreuse intrigue. Et le comte ajouta, Sir Williams t'a envoyé sa carte le soir même de la rencontre, n'est-ce pas? Oui, c'est l'usage. Donc tu lui dois une visite. Bastien hocha affirmativement la tête. Eh bien, il faut la lui faire. Quand? Sur le champ. Demande mon Tilbury. Il est midi, c'est une heure convenable pour aller chez un garçon. Soit, que lui dirais-je, rien que de banal. Mais tu l'examineras encore, tu épieras ses moindres gestes, tu l'écouteras parler avec une scrupuleuse attention. S'il se départit une seconde de son accent anglais, c'est Andrea. Bastien partit. Maintenant, pensa M. de Kergaz, admettons qu'Andrea et Sir Williams ne font qu'un. Cela prouve-t-il que le persécuteur de Fernand, le ravisseur de Cerise et de Jeanne? Oh non! S'interrompit-il tout haut. « Si, c'est bien Andrea. Je sens aux pulsations de mon cœur que c'est lui, lui seul. » Bastien revint. « Sir Williams, dit-il, était absent. Tu y retourneras. Il a quitté Paris. » Armand frémit. « Mon Dieu, pensa-t-il, aurait-il emmené Jeanne ?» Et il ajouta avec vivacité. « Où est-il allé? Quand est-il parti? Que t'a-t-on dit ?»« Il est parti avant-hier. Son valet de chambre l'a conduit à la diligence du Havre. Il va, dit-on, en Irlande où il a des terres. Sait-on s'il reviendra? Dans 15 jours. Étrange, étrange, murmura M. de Kergaz. Léon Roland revint à son tour. « Madame de Beaupré, où est partie » dit-il. « Partie, s'écria Armand. « Avec sa fille. Mais quand? Pour quel pays ?»« La veille de l'arrestation de Fernand Rocher. Elles allaient en Bretagne. » M. de Kergas se frappa le front. « Tout cela s'enchaîne et coïncide, » murmura-t-il. « C'est la main d'Andrea. Je le jurerai. » Mais en ce moment, un valet de chambre entr'ouvrit la porte du cabinet d'Armand. « Une dame, » dit-il, « demande à voir monsieur le comte. » M. de Kergas tressaillit. « Son nom ?» demanda-t-il vivement. « Monsieur ne la connaît pas. Faites entrer alors. » Une femme enveloppée dans un grand châle parut sur le seuil, et Léon Roland jeta un cri de joie. « Baccarat, » dit-il, « c'est Baccarat. » C'était la vierge folle, en effet, non plus la femme élégante au sourire calme et moqueur, mais Baccarat pâle et frémissante, les vêtements en désordre, et qui voulait sauver Fernand. D'où venait-elle ?